Leonardo Pisano, fils du marchand Guglielmo Bonacci, ce qui lui vaudra le nom de Filius Bonacci, Fibonacci, l'histoire aura retenu une chose, une suite mathématique, dont le rapport entre chaque terme tend vers le nombre d'or, ce nombre quasi mystique, qui hante l'histoire des sciences comme l'histoire des arts depuis l'Antiquité. Or, l'apport de Fibonacci est bien plus large que son seul problème des lapins et raconte l'histoire du passage des mathématiques de l'époque antique à celle que nous pratiquons aujourd'hui encore. Fibonacci, une suite qui vaut de l'or, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette histoire singulière et essayer de la faire sortir de la seule et unique ornière de sa fameuse suite, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Moyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire et épistémologie des mathématiques à l'université de Limoges et vous pouvez suivre, et ce sera utile au cours de cette heure, comme chaque jour, notre émission sur le fil Twitter @laméthodefc où nous allons poster un certain nombre d'images, parfois de schémas qui vous aideront à comprendre, à visualiser un certain nombre de concepts mathématiques que nous pourrions aborder au cours de cette heure. Mais pour commencer, Marc Moyon, comment est-ce que vous expliquez finalement la postérité, que la postérité n'ait retenu de Fibonacci que sa suite, qui n'est d'ailleurs finalement qualifiée suite de Fibonacci que très très tardivement dans l'histoire des sciences? Probablement parce que cette suite, d'ailleurs la suite de Fibonacci, n'existe pas tellement dans le livre phare de Fibonacci, hein, le Liber Abaci. C'est un problème qu'il résout, qu'il tente de résoudre, comme des centaines d'autres problèmes dans ses livres. Et elle restera dans la postérité parce que finalement, il y a un nombre, le nombre d'or, et puis il y a une suite de Fibonacci généralisée qui, finalement, enfin, des suites de Fibonacci généralisées qui perdront l'âme même du Liber Abaci, mais dont les mathématiciens sont friands et encore aujourd'hui. Le Liber Abaci, qui est le livre dans lequel il expose donc ce fameux problème des lapins, réappelé par la suite, renommé suite de Fibonacci. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, mais on va commencer par parler de ce fameux Leonardo de Pise, Pisano, dit Fibonacci. On est dans ce qui deviendra l'Italie, qui n'est pas encore l'Italie évidemment à la fin du 12e siècle. Que sait-on de lui, de ce personnage? Alors, si je commence l'émission en disant qu'on ne sait pas grand-chose, les auditeurs vont éteindre leur radio. Alors, je ne vais pas mais le dire. Mais on en sait un peu quand même. Mais malgré tout, historien des maths que je suis, je dois préciser que les sources nous manquent cruellement sur le personnage de Fibonacci, la personne de Fibonacci. Maintenant, on arrive, c'est notre travail, hein, à recouper des informations, recouper des sources et essayer d'avoir une chronologie, alors pas très précise, pas très fine, mais au moins de sa vie et de son œuvre, donc qui débute le XIIIe siècle. Il serait né donc à Pise, République maritime de Toscane, hein, vous l'avez dit, ce n'est pas encore l'Italie, mais c'est dans la botte italienne d'aujourd'hui, probablement après 1170. On va dire fin du XIIe siècle. Et il doit mourir aujourd'hui, on le sait, après 1241, parce que nos collègues italiens ont découvert assez récemment une pièce juridique montrant que Fibonacci, en 1241, enseigne les mathématiques dans la ville de Pise. Donc il est vivant. Donc voilà, donc c'est un homme de la charnière entre 12e et 13e siècle, pour placer sur une échelle chronologique. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une période fantastique pour le bassin méditerranéen. Et c'est là que finalement Fibonacci deviendra, en tout cas pour les historiens des maths, et encore plus pour moi qui suis médiéviste, mythique, parce que il incarne à lui seul toutes les mathématiques du bassin méditerranéen, je dirais des mathématiques écrites, enseignées, éditées en arabe. Donc on va dire les mathématiques des pays d'islam ou les mathématiques écrites en latin de la péninsule ibérique, de la Sicile ou de l'Italie naissante. Et c'est ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est qu'on est exactement à cette époque charnière où on va avoir un transfert de connaissances de l'Orient vers l'Occident et aboutir donc, comme je le disais tout à l'heure, aux mathématiques qui sont encore nos mathématiques actuelles. Peut-être quelques éléments d'information biographique que l'on connaît aujourd'hui et qui vont avoir leur importance dans les travaux de Fibonacci. On sait que son père est représentant des marchands de la République de Pise en Algérie. Absolument. Alors ça, c'est un élément qu'on sait des mots mêmes de Fibonacci. Donc dans son Liber Abaci, dont on a parlé tout à l'heure, il rédige un prologue, une préface. Alors uniquement à la deuxième version. Genre, je ne vais pas rentrer dans les détails d'histoire du texte, mais quand même, le Liber Abaci a deux versions. L'une écrite en 1202 et l'autre écrite en 1228. Nous ne connaissons pas la différence entre les deux versions exactement, puisque nous n'avons aucun manuscrit à ce jour de la version de 1202. Tous les manuscrits que nous avons, plus d'une quinzaine, datent de la version de 1228. Et par contre, on sait qu'à cette version-là, il rajoute un prologue dans lequel il donne quelques éléments biographiques. Et notamment, il dit avoir séjourné à Liquid Dies quelques jours à Béjaïa, ville où son père occupe un poste prestigieux de la République maritime de Pise. Il serait haut administrateur des douanes. Donc il contrôle le marché à Bougie, dans le nord de l'Algérie actuelle, le marché du commerce entre son comptoir Béjaïa et la République de Pise. Et c'est d'ailleurs son père qui va le former, l'initier à l'arithmétique, mais dans une vie précisément comptable. Alors, c'est aux côtés de son père, à Bougie, où Fibonacci dit « J'ai appris les mathématiques des Arabes ». Donc, sous-entendu, enseigné et écrite en arabe. Là, je voudrais juste faire un rappel. Islam ne veut pas dire arabe. Arabe ne veut pas dire islam. Donc là, moi, je parle bien de mathématiques rédigées en arabe, que ce soit par des mathématiciens de confession musulmane ou non. Alors, on ne sait pas non plus si Fibonacci est arabisant. En tout cas, il est clair qu'il a accès directement à des mathématiciens de langue arabe. Il communique avec eux. On ne sait pas comment, mais il le fait. Et il a probablement accès aussi à des documents rédigés en arabe. Et donc, c'est aux côtés de son père, à Bougie, où il va apprendre la fameuse numération décimale positionnelle, c'est-à-dire notre numération actuelle, la numération de base 10. D'accord, tous les paquets de 10, j'ai un ordre supérieur, la dizaine, l'unité, la dizaine, la centaine, et puis unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, etc. Et puis positionnel, puisque chaque position d'un chiffre indique sa valeur. Si je sais pas, je vous donne par exemple 122, eh bien j'ai deux fois le chiffre 2, mais l'un vaut deux unités, l'autre vaut deux dizaines, c'est-à-dire 20. D'accord ? Donc la position va déterminer sa valeur. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va faire la force de cette numération qu'on va appeler indo-arabe. Que Fibonacci n'appelle pas indo-arabe. Lui dit « ça nous vient des Indiens », mais il le lit à travers l'arabe. Et donc ça arrive, cette numération indo-arabe, en Europe, avant Fibonacci en réalité. On a un premier contact probablement du côté de Barcelone avec un mathématicien du clergé, Gerbert d'Aurillac, qui deviendra le pape et qui nous privera finalement, la papauté nous privera d'un grand mathématicien au Xe siècle. C'est ça, on est vraiment juste avant l'an 1000, on est 978. Absolument, c'est le pape de l'an 1000. Et il rentre en contact avec la science des pays d'islam, et notamment la numération indo-arabe, mais appelée à Rome. Nous n'avons plus d'autres documents. Donc ça va se répandre en Europe, mais de manière très, très, très marginale. Et même après le Liber Abaci, finalement, les documents écrits que nous avons conservent pas encore des traces majoritaires de cette numération décimale positionnelle. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, mais on va encore écrire en écriture romaine. Donc là, il faut jongler, si vous voulez, quand on lit les manuscrits du XIIIe, XIVe et même XVe siècle, on calcule en base 10, mais on écrit avec des chiffres romains. Et ce qui rend, on va le voir, les calculs très compliqués, et notamment pour tous les calculs commerciaux, compter la comptabilité en chiffres romains est extrêmement complexe. Et donc, c'est là qu'on mesure l'importance de l'apport, même si ce n'est pas le seul, de Fibonacci aux mathématiques en règle générale, en dehors de sa suite. Peut-être un mot ou deux aussi également des grands mathématiciens précisément arabes qu'il côtoie, qu'il lit, dont il s'inspire et dont il va justement digérer, donner un rendu. Une sorte de somme justement de leurs travaux en mathématiques. Alors, mathématicien arabe qu'il côtoie, je vais avoir du mal à répondre à cette question, mais je sais que à l'époque où il est à Béjaïa, il y a un grand algébriste de grande renommée, Al-Qurashi, qui vit à Béjaïa, ou aux alentours de Béjaïa, donc peut-être qu'il rencontre ce mathématicien. En tout cas, les mathématiciens desquels il s'inspire, le plus grand probablement, c'est Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi, hein, Mohamed, fils de Moïse du Khwarezm, c'est le père de l'algèbre. C'est celui qui, entre 813 et 833, va écrire le Kitab al-Muqtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Mukhabala, c'est-à-dire l'acte de naissance du calcul par l'algèbre. Ce que vous connaissez aujourd'hui par des équations avec des x ou des x carrés. Mmh. D'accord ? Et donc ça, il le maîtrise parfaitement. Et Fibonacci a compris l'importance de cet art. Ce n'est pas encore une science au Moyen-Âge, l'algèbre, mais c'est un art parce qu'il permet de résoudre des problèmes. Il permet de résoudre pratiquement tous les problèmes que se pose un marchand, un banquier ou une personne habilitée à faire du commerce dans la Méditerranée. Mmh. Et donc c'est bien cela qui va... finalement, que Fibonacci va puiser dans les mathématiques arabes. Il y en a un autre qui est très important, c'est Abu Kamil, c'est le calculateur, hein, c'est comme ça qu'il est surnommé dans les sources arabes, d'Égypte, donc 10e siècle, dont il va s'inspirer, alors probablement de l'algèbre, mais et surtout d'un petit opuscule sur le... j'ai le mot en arabe qui me vient, et le pentagone et le décagone, excusez-moi, et où il va effectivement tenter de résoudre un certain nombre de problèmes, plus d'une vingtaine, uniquement sur le pentagone et le décagone, donc un polygone à 5 côtés, un polygone à 10 côtés, étant donné certaines grandeurs de ces pentagones et décagones, on veut en trouver d'autres, les diagonales, les côtés, etc. Et donc là, c'est résolu par l'algèbre. Et ça, eh bien, c'est explicitement, textuellement repris d'Abu Kamil dans le dernier chapitre de son autre livre qui s'appelle La Practica Geometriae, la pratique de la géométrie, qui est une autre œuvre majeure de Fibonacci, issue, enfin, en tout cas, dont il a emprunté la majorité des travaux des pays d'islam. On voit, on va reparler, on va prendre le temps de parler de ce Liber Abaci et de ce qu'il apporte, qu'en introduisant, puisque même si vous l'avez dit, hein, ce n'est pas le premier à rédiger des traités avec les chiffres arabes, en tout cas en introduisant ces chiffres, il y a vraiment, du coup, du fait de son histoire, de son lien avec son père marchand, une volonté extrêmement pratique, une visée pratique de l'emploi de ces chiffres, de cette nouvelle forme de numérotation. Oui, oui, absolument. Et quand on regarde finalement le contenu même du Liber Abaci, c'est un gros livre, hein, c'est une somme uniquement de calculs, de nombres et de calculs. Eh bien, si on regarde ce livre précisément, les sept premiers chapitres sont consacrés à la numération. Donc, numération entière et numération fractionnaire. On est au 12e, 13e siècle, il n'y a pas de nombre décimal, je le dis, parce que tout à l'heure on parlera du nombre d'or et on sera tenté de donner une approximation, et une approximation que Fibonacci n'a absolument pas, évidemment. Donc ces nombres entiers et fractionnaires, la barre de fraction existe, c'est aussi un emprunt des pays d'islam, probablement du 12e siècle, d'un mathématicien qui s'appelle El-Assar, qui vit du côté de Séville, en Andalousie. Donc ça c'est les sept premiers chapitres, avec les opérations élémentaires. Multiplication, division, addition, soustraction et extraction de racines carrées. Voilà. Et ensuite, eh bien, justement, les chapitres de 8 à 11 s'intéressent uniquement à des problèmes de commerce. Mmh. Où là, on va traiter d'associations entre partenaires. C'est-à-dire, finalement, une sorte de micro-société de gens qui commercent. Et savoir qui va remporter en fonction de la mise de départ, en fonction des gains, en fonction des bénéfices, etc. Qui va remporter et quelle mise au moment où il va vouloir vendre des parts de son marché, par exemple. Mmh. Certains historiens de l'économie voient en Fibonacci l'un des pères fondateurs, hein, des sociétés d'assurance et des calculs bancaires d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on regarde les problèmes qu'il est amené à résoudre, eh ben on travaille sur des gains, des pertes, on travaille sur une manière de placer de l'argent avec rendement et d'essayer de regarder ces calculs-là. Un mot peut-être, parce que on va rentrer, hein, vraiment avec vous, puisque vous avez même amené des extraits que vous allez nous lire pour qu'on entende, alors évidemment, la traduction de Fibonacci et sa façon de rédiger. Un mot tout de même sur la façon dont cette nouvelle forme de numérotation va petit à petit prendre le pas sur l'ancienne. Ça prend du temps. Il n'y a pas que Fibonacci, bien sûr. Il y a même des réticences, parce que avec cette nouvelle façon d'écrire les chiffres, eh bien, il y a un nouveau concept, et nous en avons parlé ici même autour de cette table, qui change beaucoup la donne et qui embarrasse beaucoup la société classique de l'époque médiévale, c'est le zéro. Oui. Le zéro n'est pas le bienvenu. Alors, le zéro n'est pas le bienvenu parce qu'il permet des calculs que les gens de classe moyenne ou même moyenne supérieure, on va dire, pour reprendre des termes d'aujourd'hui, mais sans être trop anachronique, il permet de mener des calculs correctement. Et donc, finalement, une grande partie de la population est un petit marchand à Pise, s'il fréquente les écoles d'ABAC, donc là où on apprend à calculer pour les marchands ou les premiers banquiers, eh bien, va pouvoir faire des calculs. Et ça embête, et notamment, ça embête l'Église catholique. Parce que jusqu'à maintenant, eh bien, les lettrés, pouvaient faire ces calculs-là, savaient écrire ces calculs, savaient les mener, et étaient les seuls, donc avaient le pouvoir. Et aujourd'hui, il va falloir partager le pouvoir. Et ça va un peu embêter, effectivement. Le zéro, c'est la démocratisation du calcul. Mais bien sûr, Et c'est ce qui va entraîner aussi une guerre entre les fervents d'un calcul parabac, avec des jetons, avec de la manipulation, et un calcul avec les nombres, donc base 10 et positionnel, qu'on va appeler l'algorithme, qui donnera à l'algorithme, et qui était issu du terme al-Khwarizmi, dont j'ai parlé tout à l'heure, le père de l'algèbre. Puisque c'est par lui-même que cette numération indo-arabe arrive d'Inde, via Bagdad, et va inonder ensuite le bassin méditerranéen. Donc les réticences, elles ne sont pas seulement des mathématiciens, elles sont aussi des copistes, puisque rares sont les mathématiciens qui copient eux-mêmes leurs livres, ce sont les copistes qui le font. Ils ne connaissent pas la forme même des chiffres. Donc on est obligé d'apprendre à écrire ces chiffres. Et puis ensuite, on est obligé d'apprendre à manipuler ces chiffres. On peut rappeler pour l'anecdote que le mot chiffre lui-même, étymologiquement, vient de sifra, qui est une transcription de l'arabe al-sifre, qui signifie zéro. Oui, alors là, je vais peut-être reprendre Fibonacci, alors, si vous voulez. On va le dire dans un instant. J'aimerais juste encore un dernier mot, parce que je trouve, là aussi, même si c'est anecdotique, ça assez intéressant. Le zéro va même être interdit à Florence pour l'usage des banquiers à la fin du XIIIe siècle. Alors là, on sort un peu de mon domaine des compétences, mais oui, on lit ça chez les historiens. Moi, je regarde pas les pièces comptables ou les documents d'archives bancaires, donc je peux pas assurer cette réponse. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous continuons à parler de l'histoire de ce Leonardo Fibonacci, de sa suite, mais pas que. Nous en parlons donc avec Marc Moyon, qui est maître de conférences en histoire et en épistémologie des mathématiques à l'université de Limoges. On va parler donc de ce Liber Abaci, Marc Moyon. On est en 1202. C'est dans ce Liber Abaci qu'il expose le problème des lapins que l'on évoquera tout à l'heure. Mais avant cela, vous êtes venu avec des extraits, notamment justement sur cette introduction de la numérotation arabe. Oui, alors si vous voulez, on peut commencer. Les premières pages du Liber Abaci, après le prologue, il présente la numération décimale positionnelle. Et il écrit, les 9 chiffres des Indiens sont, alors de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on fait bien attention à la graphie, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on doit aussi apprendre à les écrire. Et il poursuit, avec ces 9 chiffres donc, et avec le signe, un petit rond, ce qu'on appellera notre zéro, qui est appelé sifre en arabe, on écrit n'importe quel nombre, comme démontré ci-après. Et ensuite, il va justement expliquer comment on peut écrire ces nombres avec ces 9 symboles plus le zéro. Alors, je continue très brièvement. En effet, le nombre est une collection étendue d'unités, ou bien une réunion d'unités qui croît à l'infini par ses propres degrés. Et ça, c'est essentiel, parce que ce que permet la numération décimale positionnelle et ce que ne permet pas d'autres numérations en usage à l'époque, c'est qu'on peut aller très très loin dans la numération. C'est-à-dire qu'on peut écrire facilement des grands nombres. Et que ces grands nombres, ils se lisent aussi facilement, ce qui va permettre des calculs extraordinaires. Dans son Liber Abaci, par exemple, vous devez connaître le fameux problème de l'échiquier, où on met un grain de riz sur la première case et on double, etc. Bon, donc très vite, on calcule des puissances de nombres entiers, des puissances de 2, et c'est des nombres très très très grands. ce qui est très compliqué à écrire sans la numération décimale positionnelle. Pour Fibonacci, ce n'est plus un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, l'écriture des nombres, bah, ça va aller tout seul en suivant son principe. Donc son principe, c'est lequel ? Le premier est composé des unités qui sont de 1 jusqu'à 10, non inclus. Le second est composé des dizaines qui sont de 10 jusqu'à 100, donc 99. Le troisième est composé des centaines qui sont de 100 jusqu'à 1000. Et donc ça, c'est les ordres. Et puis ces trois ordres vont se répéter à l'identique. Et donc, si vous voulez, c'est systématique. Mmh. L'écriture de nombres va aller de soi. Bon, maintenant, il faut s'y entraîner. Hein. Ça demande quand même un peu de travail. Et puis, ben, le premier degré dans la représentation des nombres commence à partir de la droite. Le second suit le premier vers la gauche. Le troisième suit le second. Le quatrième suit le troisième. Le cinquième, etc., etc. Toujours en étant placé de la gauche, de la droite vers la gauche. Alors, c'est compliqué quand on lit Fibonacci et quand on est habitué aux sources arabes, parce que vous savez que les Arabes écrivent de droite à gauche. Mmh. Et donc, par moment, si les copies sont proches du texte authentique de Fibonacci, il y a des erreurs d'écriture, en fait. Et ce droite, ce gauche, ou de vers la gauche ou vers la droite, est souvent pas si simple à comprendre. Mmh. Alors parlons un peu de ce Liber Abaci. Vous l'avez dit dans une première partie, il y a une large partie qui est vraiment consacrée à la numérotation, à l'algèbre, à l'arithmétique, à poser les bases d'un calcul toujours très pédagogique à destination des marchands. Et puis une deuxième partie qui est là pour le coup beaucoup plus orientée vers le commerce. Racontez-nous un peu les différents apports et la structuration de ce livre, Marc Moyon. Alors, je vais juste corriger un petit élément, mm-hmm. C'est que j'ai pas dit qu'il y avait de l'algèbre dans les premiers chapitres. Parce que l'algèbre, c'est presque une fin en soi. Et c'est les deux derniers chapitres D'accord. qui vont traiter les problèmes par l'algèbre. Donc c'est vraiment uniquement de la numération et les opérations élémentaires de l'arithmétique, les sept premiers chapitres. Ensuite, je vous ai dit les problèmes commerciaux. Alors ça, c'est essentiel. Pour un historien, c'est très très intéressant ces chapitres-là, parce qu'ils permettent ils donnent à voir finalement l'environnement dans lequel Fibonacci a dû évoluer. Il nous parle de cuir, il nous parle de coton, il nous parle de pierre, il nous parle d'Alain, il nous parle de Constantinople, il nous parle d'un maître qu'il a rencontré à Constantinople, il nous parle de la Syrie. Donc on vit avec lui finalement à travers ses problèmes mathématiques, hein, mais on vit avec lui ses voyages. Ça, c'est la partie commerce. Et puis, suit, juste avant l'algèbre, finalement, les deux chapitres les plus importants qui sont aujourd'hui dits des problèmes récréatifs. C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont aucun sens, uniquement un sens mathématique, c'est-à-dire pour faire travailler les mathématiques. Et c'est là qu'on va voir la puissance de la numération décimale positionnelle, la puissance des écritures fractionnaires que Fibonacci va mettre en place, soit de manière originale, soit emprunt de la tradition des pays d'islam d'Andalous. De manière originale, c'est-à-dire ? De manière originale. Alors là, on va rentrer un peu dans les détails. Mm-hmm. Aujourd'hui, on écrit la fraction sous la forme d'un seul type majoritaire, c'est-à-dire un numérateur, une barre horizontale et un dénominateur. Le dénominateur étant celui qui donne le nom à la fraction. Par exemple, si j'ai 4 en dessous de la barre de fraction, ça sera le quart, etc. Bon. Donc ça, c'est les fractions simples. On les connaît depuis très très très longtemps et on les écrit comme Fibonacci va les écrire, au moins depuis le XIIe siècle avec El Hasar, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il va mettre au point d'autres écritures fractionnaires qui vont lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans ses calculs. Le système métrique n'existe pas au XIIe mmh. siècle. Le système des poids et mesures à Pise est différent de celui de Bougie, est différent de celui de Constantinople, est différent de la Provence médiévale, est différent de la Syrie. Je vous cite ces villes-là ou ces régions-là parce que c'est des villes et des régions qu'il cite lui-même dans son prologue. Sans compter le système monétaire qu'il a aussi. Sans compter le système monétaire. Labyrinthe. Absolument. Avec de sophistication sur des bases différentes. Bon. Et bien voilà, ben vous avez tout résumé, parce que finalement, il va mettre en place des fractions qui permettent de travailler facilement avec des bases différentes. Donc on est, par exemple, les monnaies, on est dans les sous et les deniers, et on est dans les bases 12 et les bases 20, d'accord ? Une livre égale 20 sous, mais un sou égale 12 deniers. Absolument, merci. J'ai bien révisé. Voilà, et donc ce que nous, on va pouvoir écrire aujourd'hui comme étant des dixièmes 1 sur 10, des centièmes 1 sur 100, donc c'est des fractions décimales, lui ne les a pas encore, ou pas en tout cas pour les mettre en place dans ses résolutions de problèmes. Donc il va avoir des douzièmes et des vingtièmes. Et donc il va créer des écritures de fractions différentes qui permettent de travailler facilement avec, avec ces fractions-là et qui vont lui permettre finalement de lire seulement le résultat, de lire la donnée, la quantité qu'il recherche. Alors, je rentre pas dans les détails d'écriture de fraction parce que c'est pas. Mais on voilà et on voit bien toujours ce que l'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la vertu très pédagogique, très didactique, absolument, à l'attention des commerçants, la facilité avec laquelle on peut établir une règle de 3 et donc faire des conversions. Absolument. Mmh. Alors là, et je vous ai dit original parce que il donne 5 écritures différentes d'une fraction, hein, 5 genres différents. 3 de ces 5 genres, on les retrouve dans les textes de langue arabe et 2 de ces 5 genres, on ne les a pas encore retrouvés. Donc, rien ne dit qu'ils n'existent pas dans la tradition arabe, mais en tout cas, à notre connaissance, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Et il est possible que Fibonacci ait pu les mettre en place lui-même. C'est un grand mathématicien. On le voit, hein, non seulement, et vous le dites, et vous avez raison de le préciser, dans sa volonté pédagogique de montrer la résolution de problèmes, la mise en place des résolutions, et comment finalement, à partir d'une résolution d'un problème simple, élémentaire, on va pouvoir généraliser toute une structure. Et puis, la mise en place finalement d'une organisation de son traité qui permet de faire des mathématiques du simple vers le complexe. Et c'est ça des mathématiques. Il aborde même des éléments de géométrie. Alors, il aborde des éléments de géométrie, soit des éléments de géométrie de la mesure dans son Liber Abaci à l'occasion de quelques problèmes, mais surtout dans son autre ouvrage très important que vos auditeurs doivent beaucoup moins connaître, malheureusement, qui est la Practica Geometriae. Que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, la pratique de la géométrie, qui est rédigée aux alentours de 1220, 1219, 1220, et qui est là uniquement consacrée à des problèmes de géométrie. Et donc là, par contre, c'est très très intéressant, c'est un livre que j'ai beaucoup étudié, parce que c'est un des livres qui est le plus dont l'héritage finalement vers la science des pays d'islam est le plus net. Chaque chapitre pratiquement, on peut désigner des précurseurs évidents. Et la structure même du livre est une structure connue depuis le 9e siècle, en gros depuis Bagdad, et saurait circuler toute la Méditerranée pour arriver en Andalous. Ce qui permet là vraiment précisément de dire que Fibonacci, s'il est bon mathématicien et si c'est un des meilleurs du XIIIe siècle, c'est aussi un homme extrêmement cultivé. C'est-à-dire, il connaît énormément, le corpus mathématique de son époque ne lui fait pas défaut. Et il est au cœur finalement, alors aujourd'hui peut-être qu'on dirait de la recherche mathématique, en tout cas il est au cœur de la résolution de problèmes qui se posent à cette époque-là, au XIIIe siècle, à Pise ou ailleurs. Et vous diriez que dans ces éléments de géométrie qu'il aborde, je crois, corrigez-moi si je me trompe Marc Moyon, mais plutôt sur la fin du Liber Abaci, dans ces éléments de géométrie, c'est une forme d'introduction, de propédeutique justement à sa recherche en géométrie. Qu'est-ce qu'il y traite exactement ? Alors, il y traite, donc c'est une œuvre à part du Liber Abaci, hein, sa Practica Geometriae, c'est vraiment un deuxième ouvrage. Il y traite de la mesure, des unités de mesure, encore une fois. Alors là, moi, j'y vois, au moins pour le premier chapitre, qui est assez important, la mise en place, finalement, de la justification ou de la démonstration de l'utilité de la numération décimale positionnelle introduite dans son Liber Abaci, dans le cas pratique de la géométrie de la mesure. La géométrie de la mesure, c'est celle qui va vous faire payer les impôts sur vos terres. Donc, elle est essentielle. D'accord. Et donc c'est là aussi où on va devoir travailler avec des unités de mesure très complexes, des sous-unités très complexes, et les calculs ne sont pas si évidents. Ensuite, il y a un chapitre important sur la manière de répartir, de partager des terrains entre copropriétaires. Donc ça devient très vite technique, très vite théorique, hein, sur vous avez une figure géométrique plane, un rectangle, un losange, un trapèze, et vous devez la partager suivant certaines contraintes. Et ça, on retrouve ces problèmes-là dans la tradition islamique, hein. Alors là, je dis bien islamique, imposée par le Coran notamment, de répartition des héritages, où le juge, le khadi, doit faire le travail. Par exemple, on a un champ et on doit répartir en fonction de ceux qui restent le champ, sachant qu'il y a une mosquée ou une source d'eau au milieu. Et donc ça, c'est la contrainte réelle qui va imposer une contrainte géométrique. Donc on retrouve ce genre de problème chez Fibonacci. Et puis, un autre problème important pour lui, c'est la mesure des distances inaccessibles. Et donc là, on va utiliser le fameux théorème de Thalès, hein, c'est-à-dire la théorie des rapports, en réalité, et la mise en place de calculs avec des grandeurs connues et des grandeurs inconnues. Ça, c'est pour son livre à proprement parler sur son traité de géométrie, mais la question que je vous posais, c'est justement dans le Liber Abaci, dans les éléments de géométrie qu'il aborde, est-ce que justement c'est une sorte d'introduction de propédeutique à ce deuxième livre? Est-ce que ce sont des problèmes qu'il aborde et qu'il développe plus tard? Non, c'est très très isolé, c'est des tout petits problèmes très à part, qui sont... Bon. C'est pas très important. Eh bien, on va parler aussi de cette fameuse suite qui a donné son nom, à laquelle Fibonacci a donné son nom, d'ailleurs pas lui, ça s'est fait beaucoup beaucoup plus tard, ce fameux problème des lapins, et puis évidemment la question lancinante du nombre d'or. Barbaro de Béla Bartók qui aurait utilisé le nombre d'or pour sa composition, puisque le nombre d'or est intimement lié à cette suite de Fibonacci et à Fibonacci, à l'histoire donc de Fibonacci que nous évoquons tout au long de cette heure dans les méthodes scientifiques en compagnie de Marc Moyon, qui est maître de conférences en histoire et épistémologie des mathématiques à l'université de Limoges. Cette suite de Fibonacci, on l'a dit dans la première partie de cette émission, Marc Moyon, à l'origine elle ne s'appelle pas suite de Fibonacci, elle n'est même pas décrite comme une suite, elle est décrite comme un problème des lapins. Absolument. Ça, c'est important parce que souvent, les étudiants me demandent « Mais alors, il y a des suites chez Fibonacci ?» Et alors, s'il faut voir dans les manuscrits de Fibonacci une suite telle qu'on l'utilise aujourd'hui, avec des indices, avec etc., l'écriture telle qu'on on la voit dès le lycée, c'est non. Évidemment, il n'y a pas de suite chez Fibonacci. Et c'est pas lui-même qui va dire que cette suite va être importante réellement. Hein. Ce seront ses lecteurs, et ses lecteurs tardifs, puisqu'en fait, c'est le 19e siècle qui va consacrer la suite de Fibonacci. Alors, le problème des lapins, moi, je le trouve excellent, parce qu'il, pour moi, c'est un problème essentiel pour comprendre ce qu'est la modélisation en mathématiques. C'est-à-dire la manière avec laquelle un problème va venir à un mathématicien ou à quelqu'un d'autre, mais qui va se poser au mathématicien, et avec laquelle le mathématicien, finalement, va imposer des conditions pour pouvoir le résoudre. Et c'est exactement ça pour Fibonacci. C'est-à-dire que, évidemment, on est dans le contexte de problèmes dits récréatifs. aussi burlesques les uns que les autres, hein. C'est-à-dire avant il va y avoir un lion qui veut sortir d'un puits, il grimpe du puits, il grimpe un certain nombre de pas le soir, il redescend la nuit, enfin bon bref, etc. Bon, jamais on verra un lion dans un puits qui va remonter, descendre, mais bon, ou des fourmis qui veulent se rejoindre, des bateaux qui, bon bref. Et là on est dans ce contexte-là. Néanmoins, c'est ce contexte-là qui va produire effectivement chez Fibonacci un élément intéressant, c'est qu'à partir de ce problème-là, on va réussir à avoir des généralisations. C'est-à-dire que souvent, il finira le problème par « Eh bien, si tu as un problème de ce type, alors sous-entendu, comme je te l'ai décrit plus haut, avec les règles que je t'ai données, eh bien, fais ainsi et tu y arriveras. » Alors certains vont rajouter « grâce à Dieu » après, hein, ou certains ont rajouté « Inch'Allah », si Dieu le veut. Et donc c'est l'idée de généralisation finalement, ou de généralité en mathématiques. C'est-à-dire que effectivement, on a des problèmes qui appartiennent à des classes de problèmes, et que si j'ai un problème dans une classe donnée, bah, je sais le résoudre ou pas, en fonction des outils que j'ai en tant que mathématicien. Alors là, son problème, il est très très précis, hein. Je vous le lis si vous voulez. Allez-y, avec plaisir. Donc quelqu'un ou un homme plaça une paire de lapins dans un endroit clos, de tous côtés, afin de savoir combien de descendants cette seule paire engendrerait en une année. Alors, il poursuit, or, il est dans leur nature, et c'est là qu'il va donner les contraintes, de mettre au monde une nouvelle paire chaque mois. Donc, chaque paire va donner au monde, chaque mois, une nouvelle autre paire. Mais les lapins n'ont ne descendant que 2 mois après leur naissance, donc il y a un petit décalage. Et donc, la question que pose Fibonacci, combien de paires de lapins sont engendrées en une année par une seule paire ? Alors là, vous pouvez vous amuser à faire des dessins, vous pouvez vous amuser à faire des lapins. Bon, faire des tableaux. Faire des tableaux. On en a posté quelques-uns sur le fil Twitter de l'émission. Si vous abonnez au compte de la méthode FC, vous verrez l'arbre avec les petites paires de lapins. Voilà, c'est très bien. Mm-hmm. Et eh bien, Fibonacci, lui, ne va pas dessiner de lapins, a priori. Il va faire des calculs, mais il va quand même mettre dans sa marge du liber abaci, eh bien, finalement, une suite de nombres, d'accord, les uns après les autres, donnant le nombre de paires de lapins chaque mois, jusqu'au 12e mois, puisque c'est l'année entière. Donc, je poursuis si vous voulez. Bien comme sûr. La paire susmentionnée a des descendants le premier mois, tu la doubleras et il y aura donc 2 paires le premier mois. Donc, on part de une, on arrive à 2. De celle-ci, l'une, la première, aura des descendants le 2e mois, de sorte qu'il y aura 3 paires le 2e mois. Il n'y aura pas encore de paire de lapin de la 2e paire, puisqu'il faut attendre 2 mois. Vous avez compris. Mm-hmm. Bon. De celles-ci, 2 seront fécondes le 3e mois, de sorte que 2 paires de lapins sont mises au monde et qu'il y aura ainsi 5 paires ce mois-là. Il continue, de celles-ci, 3 sont fécondes et il y aura 8 paires le 4e mois. Donc vous m'avez suivi, j'espère. Il y a 1 paire le 1er mois, 2 paires le 2e mois, 3 paires le 3e mois, 5 paires le... alors il y a un petit décalage, 3e mois, 4e ou 2e mois, 8 paires, etc. Et donc il dit, très vite, de ces paires, 5 mises au monde durant le même mois ne concevront pas au cours du 10 mois, pardon, mais les 8 autres paires procréeront. Par suite, il y aura 21 paires le 6e mois. Et là, il va comprendre qu'effectivement, il s'agit d'additionner le nombre de paires d'un mois, le mois d'avant, et ça donnera le nombre de paires de lapins disponibles dans l'enclos le mois en question. Et donc, il le dit, hein, c'est le nombre de paires qu'engendrera la paire susmentionnée passée dans le dit endroit au terme d'une année. Et on arrive à 377 paires. Donc, il précise. C'est ça qui est intéressant. Tu peux voir dans cette marge notre manière d'opérer. Nous avons ajouté le premier nombre au second, soit 1 à 2, le second au troisième, le troisième au quatrième, le quatrième au cinquième, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous additionnions le 10e au 11e, à savoir 144 à 233. Et nous avons obtenu la somme des 10 lapins, soit 377 paires. Tu pourrais poursuivre ainsi pour un nombre illimité de mois. Dixit Fibonacci. Donc déjà, chez Fibonacci, il y a cette question de l'infini. La question de, il n'y a pas de limite. Ma procédure, mon algorithme, la manière avec laquelle j'ai engendré ces nombres, eh bien, elle peut se poursuivre aussi loin que je le souhaite, c'est-à-dire à l'infini. Et alors, ce qui est intéressant dans cette suite, c'est que on va voir alors que vous l'avez dit hein, tout à l'heure, Marc Moyon, c'est-à-dire que sa postérité n'arrive que plus tard. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné elle ressurgit dans l'histoire des mathématiques? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant et pourquoi est-ce qu'elle va prendre cette dimension-là pour la postérité? Bon. Alors c'est compliqué parce que là des travaux d'histoire des maths restera à faire sur le 19e siècle pour vraiment regarder la manière avec laquelle notamment quelqu'un comme Édouard Lucas, qui est un mathématicien combinatoricien du 19e siècle, qui s'intéresse aux problèmes récréatifs, comme dans toute sa communauté d'ailleurs des combinatoriciens de la fin du 19e siècle, pourquoi lui-même va s'intéresser à Fibonacci et va mettre finalement en exergue, au relief cette suite. En tout cas, elle avait déjà attiré l'attention d'un grand monsieur de l'histoire des sciences, qui est Kepler. Mmh. Kepler avait déjà compris, et il l'avait montré, hein. Donc Kepler c'est 16e, 17e siècle, hein, fin 16e siècle, 17e siècle. Il avait déjà compris que si vous prenez deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, et vous les divisez, donc le plus grand par le plus petit, bien, vous créez une nouvelle suite. D'accord, la suite des quotients de deux termes consécutifs de la suite des nombres de Fibonacci. Eh bien, cette suite, elle a une limite. Ça veut dire qu'à l'infini, ce quotient, il devient quasi toujours le même. Alors là, vous faites sur un tableur, hein, vous prenez votre ordinateur ou votre calculatrice, vous n'avez pas besoin d'aller très très loin. Et vous vous rendez compte que effectivement, on va tendre vers un nombre environ égal à 1,618. Voilà. Le voilà. Le voilà. Le voilà, le fameux nombre. Absolument. Qui explique certainement une partie de cette postérité. C'est d'ailleurs ce rapport-là, Fibonacci ne le voit pas du tout, lui. Pas du tout. Pas du tout. Il le calcule pas, il le regarde pas, il s'y intéresse pas du tout. C'est, à ma connaissance, Kepler le premier qui va s'intéresser au quotient de deux nombres consécutifs et qui va donc voir que ça tend vers un nombre... Un nombre important. Un nombre important dans l'histoire des mathématiques. On va l'appeler par son petit nom, par son vrai nom. Son vrai nom, c'est phi. C'est phi. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce nombre phi? Alors, ce nombre phi, qu'est-ce que je pourrais donner? Que pourrais-je donner comme définition? Je ne mentirais pas si je vous dirais que ma fille, hier, en rentrant du collège, m'a demandé « Papa, c'est quoi le nombre d'or ?» Et alors là, je me suis dit, bon, c'est pas vrai, je suis entouré du nombre d'or, mais qu'est-ce que je peux répondre à une gamine de sixième? C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est une très très longue histoire. Sans être anachronique, hein, on voit un rapport du nombre, enfin un rapport d'or dès l'Antiquité. Mmh. Et puis, oui, on le distingue. On dit que le premier marqueur c'est la pyramide de Khéops. C'est très débattu. Hein. Il y a beaucoup de, on voit qu'il y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de mysticisme autour de ce nombre d'or. Oui. Du mysticisme encore plus que de la mythologie. Il y a beaucoup de reconstruction en réalité. Une fois qu'on a on a mis en place ce phi, alors d'ailleurs on l'appelle phi, on l'appellerait phi pour Phidias, qui est décorateur du temple du Parthénon d'Athènes. Ça montre quand même le rapport entre un nombre particulier et l'architecture. Et l'architecture, c'est quoi? C'est un moment où on décide, enfin, on voudrait rationaliser la beauté. On voudrait rationaliser le parfait. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne peut être que les mathématiques qui expliquent, ou en tout cas qui ordonnent le monde. D'accord? Et donc ce phi, ce nombre d'or, là, va occuper une place importante. Et on va voir tout de suite le rapport avec le partage en extrême et moyenne raison qui permet de mettre en place le nombre d'or en géométrie. Mais la force de ce nombre d'or, c'est qu'il n'a pas qu'un pendant géométrique. Il a aussi un pendant arithmétique et algébrique. Donc il y a. C'est qu'il fait converger. Absolument. La géométrie, l'arithmétique et l'algébrique. Il fait converger différents chapitres des mathématiques. Et je pense que c'est ce qui a plu à beaucoup de mathématiciens jusqu'au 19e, début 20e siècle, et ce qui plaît encore aujourd'hui aux théoriciens des nombres, peut-être un peu moins aux géomètres, mais au moins aux arithméticiens, aux théoriciens des nombres. Et donc. En deux mots, peut-être, bien sûr. C'est incommensurable et algébrique. C'est un nombre, ou irrationnel et algébrique. C'est un nombre irrationnel et algébrique. Et ça, c'est très important. Alors on va voir, on va faire un petit détour parce qu'effectivement ce nombre d'or qu'on a également appelé proportion divine ou divine proportion, on l'a retrouvé, il parcourt l'histoire, vous l'avez dit, des mathématiques mais pas seulement, de l'architecture, l'histoire de l'art, on a entendu la musique. Il faut dire que cette postérité ou ce succès du nombre d'or vient tardivement, hein, c'est 19e, 20e siècle, même si on en trouve des traces évidemment chez l'homme de Vitruve de Vinci, bref, il y aurait une émission entière à consacrer à cette mystique du nombre d'or, mais on le retrouve aussi également dans la nature et dans certaines plantes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui êtes une grande adepte d'énigmes métaphysico-mathématiques, vous vous êtes rendue au laboratoire matière et systèmes complexes de l'Université Paris Diderot pour mener votre enquête. Une enquête qui m'a menée à la phyllotaxie. C'est un domaine qui étudie les propriétés géométriques ou arithmétiques dans la forme des plantes, un peu comme le nombre de pétales d'une fleur ou les spirales qu'on retrouve à la base d'une pomme de pin. Et en observant la morphologie de ces plantes-là, des physiciens comme Stéphane Douady de l'Université Paris Diderot comprennent mieux ce qui peut déterminer leur croissance. Quand j'avais commencé à travailler sur Fibonacci, j'étais surtout surpris sur le fait que ça soit quasiment universel. Et donc, il y ait des cas bizarres comme le maïs ou les fraises. Et c'est assez impressionnant. Par exemple, on prend une pomme de pin. Et quand elle est ouverte, si on regarde, on voit effectivement que les écailles sont formées, sont reliées pour faire des spirales dans les deux sens qui se croisent. Alors ce qu'on connaît, c'est la pomme de cèdre du Liban, qui est une sorte de pomme de pin un peu grosse avec des écailles très plates. Et là, quand on regarde, on voit plein de petites écailles avec des grands nombres. Et là, c'est celles qui viennent du parc Montsouris. Alors il y a c'est des cèdres beaucoup plus vieux. En fait, ils démarrent avec 13-21 à la base, et puis après, il y a plein de défauts. C'est-à-dire qu'il devient plus à plus régulier, et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il va vers justement quelque chose de plus symétrique. Et comment vous les observez au microscope, j'imagine ? Non, là même pas. En fait, ce que j'ai, c'est un... Je vais vous le montrer. Là, je prends des éléments qui sont assez gros. J'ai un tourneur de plantes. Alors, comment ça fonctionne ? Alors ça, donc là, j'ai un moteur qui fait tourner avec une courroie, mais alors j'en ai un plus simple où c'est branché directement. Donc il y a un moteur qui fait avec une courroie qui fait tourner. Alors là, moi, j'ai mis quoi, là ? J'ai mis un iris. Voilà, pour centrer. C'est comme un diaphragme, en fait. C'est un diaphragme, exactement, pour centrer l'objet. Comme ça, je le tiens et je le centre en même temps. Et ça, c'est monté sur des roulements à billes, sur une petite équerre. Et ça tourne. Voilà, et du coup, je le fais tourner très lentement, donc genre un tour par minute. Et j'en ai un autre en face pour être sûr, pour avoir un axe. Voilà. Et du coup, vous placez la pomme de pin sur la base du diaphragme. Exactement, donc je peux coincer par exemple la tige de pin dans le diaphragme. Je la coince de l'autre côté pour qu'elle soit vraiment dans l'axe de rotation. Et puis je mets un appareil photo sur le côté. Et là, je fais un petit film, tout simplement, de mon objet qui tourne pendant une minute. Donc on prend ce film, on coupe dans l'autre sens. Et ça vous fait une image déroulée de la plante. Alors sur l'image déroulée, après là, c'est très facile de compter le nombre de spirales. Alors comment, on s'est posé beaucoup de questions pour savoir comment caractériser. Et en fait, il suffit autour d'un axe de compter le nombre de spirales qui recouvre tout l'axe dans un sens. Donc là, j'ai en compté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, comme par hasard, 13. 13, qui voilà. Est donc un des termes de la suite de Fibonacci. Exactement. Et si je compte dans l'autre sens, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. 8 qui est aussi un terme de Fibonacci. Et donc là, on a une pomme de pin qu'on va dire qu'on appelle 8-13, c'est-à-dire deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Alors, comme je travaille sur les plantes, en fait, je collecte beaucoup d'échantillons de plantes. Un de mes derniers échantillons, c'est des sapins de Noël. Là, il y a des morceaux de pin, des plantes d'Australie, des banksia, des araucaria. Est-ce que toutes ces plantes-là sont caractérisées par cette suite de Fibonacci ? Ah oui, mais c'est beaucoup plus général. Hein. C'est-à-dire qu'on peut prendre à peu près toutes les plantes, n'importe quoi dans la nature, et on va retrouver presque toujours deux nombres consécutifs la suite de Fibonacci. Alors la phyllotaxie, elle s'intéresse à décrire un peu ces propriétés-là, mais est-ce qu'elle explique comment et d'où ça vient ? Est-ce que c'est inscrit dans les gènes ? Est-ce que c'est une organisation qui se déploie dans la croissance de la plante après ? Oui, alors la vraie question, c'est de savoir d'où ça vient. Moi, ce qui m'avait fasciné quand j'ai découvert cette propriété-là, c'est de savoir que c'était vraiment universel. Notamment, par exemple, on pourrait dire que c'est génétique, c'est le premier réflexe, on va dire. Hein. Mais en fait, les gènes, ils n'arrêtent pas d'être modifiés. Il y a des mutations, il y a des changements, il y a des adaptations. Et donc, du coup, ça devrait fluctuer beaucoup plus que ce qu'on voit. Donc le fait que ce soit vraiment Fibonacci partout, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Alors pour comprendre ça, ce qu'il faut regarder, c'était mon point de travail, c'était de comprendre comment le relier à comment la plante pousse. Et en fait, la plante, elle pousse avec un petit bourgeon, qui est une zone immature. Et autour de cette zone immature, qui est vraiment comme un embryon, tout grandit petit à petit. Et quand ça grandit, il y a des bosses qui apparaissent. Et ces bosses, ça va donner, par exemple, les écailles de pommes de pin, les aiguilles, tous les éléments botaniques qu'on regarde, justement, quand on regarde la disposition. Et en fait, tout est déjà placé au tout début. C'est-à-dire si on prend des bourgeons de pommes de pin et qu'on les regarde dans le microscope, il y a déjà la structure qu'on verra après, avec déjà les noms de Fibonacci. Donc c'est une croissance qui est soumise à des lois physiques, où il y a une optimisation un peu de gain d'énergie ou de configuration spatiale qui rentre en jeu. Alors c'est ce que les gens vont dire. C'est autour du nombre d'or, les positions des feuilles est irrationnelle, donc il n'y a jamais deux feuilles l'une au-dessus de l'autre, et donc l'optimisation au soleil est bonne, etc. Alors ça, c'est pas vrai, parce que d'abord, il y a des plantes qui ont les feuilles les unes au-dessus des autres, c'est des cas qu'on appelle verticillés, et ensuite, le soleil n'est jamais à la verticale, il bouge, et en plus, les feuilles elles-mêmes, elles peuvent tourner. C'est-à-dire que ça dépend pas, quelle que soit la disposition de la base, la feuille tourne pour s'orienter vers la lumière. Donc c'est pas une bonne explication. Et puis après, quand on regarde une tige, elle est rarement optimale en elle-même. Notamment, par exemple, quand il y a des changements, une tige qui grossit. Alors ça, j'ai mis du temps à trouver, mais j'ai trouvé ça sur les tiges de choux, de décoratifs. On voit au début, il a peu de spirales, et puis le nombre de spirales augmente et grandit, etc. Et en fait, quand il change le nombre de spirales, il y a toujours des états où, à un moment donné, il n'est pas optimal. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est pas une sorte d'optimalité. Mais en fait, la réponse, c'est qu'il ne faut pas regarder le résultat final, il faut regarder vraiment comment le système se construit petit à petit. Et qu'en fait, c'est vraiment le bourgeon qui va trouver sa place par rapport aux autres. Et ça, elle est bloquée. Et après, il faut intégrer toutes ces petites bosses en celle et voir comment elles s'organisent ensemble pour voir qu'effectivement, on a ces nombres de spirales qui apparaissent. Moi, ce qui m'avait fasciné dans Fibonacci, c'était le fait que, dans les plantes, c'est le fait qu'on ait justement une structure vraiment mathématique très propre. Et ça veut dire qu'il y avait une contrainte, et la contrainte, elle n'est pas génétique, la contrainte, elle est dans la dynamique de croissance. Et ça, c'est un très bel exemple, d'une manière générale, pour la croissance, de dire, tout n'est pas dans les gènes, mais il y a plein d'autres choses qui apparaissent. Et là, cette contrainte mathématique est tellement forte que, en fait, les plantes n'y échappent pas. Voilà le reportage du jour sur la philotaxie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Moyon, comme réflexion ? D'abord, j'ai appris quelque chose parce que moi, j'étais convaincu que l'explication physique sur l'orientation du soleil et la manière avec laquelle la plante poussait était rationnelle pour moi. Ça me plaisait bien. Et j'apprends que non. Donc, ça veut dire que finalement, enfin, ce que je retiens de ce reportage, c'est que peut-être que... les mathématiques sont la langue de la nature et restent la langue de la nature. C'est plutôt intéressant. Un mot pour conclure, et puis on reparlera quand même de l'héritage de Fibonacci. Peut-être un mot pour dire que finalement, ce nombre d'or aujourd'hui, dans les mathématiques contemporaines, c'est rationalisé, ce qui est paradoxal pour un nombre irrationnel, mais enfin, finalement, c'est un nombre irrationnel parmi tant d'autres, et il a perdu cette dimension mystique qu'on a pu lui attribuer au cours des siècles précédents. Chez les mathématiciens, je pense qu'il n'a absolument pas de dimension mystique. C'est la solution d'une équation du second degré, assez élémentaire. C'est un nombre... Racine de 5 sur 2. Oui. Mmh. C'est un nombre qui... c'est le seul nombre positif qui, si on lui ajoute 1, on trouve son carré. Si on lui retranche 1, on trouve son inverse. Donc, ce qui permet un développement en fraction continue, ce qui permet un développement en racine carrée continue. Et c'est un nombre qu'on retrouve... justement, quand on veut mettre en place la suite de Fibonacci de manière moderne, donc là, anachronique par rapport à Fibonacci, mais c'est une double récurrence, c'est-à-dire, si j'appelle UN la suite, c'est UN plus 2 qui égale à UN plus 1 plus UN. Et donc là, si je travaille la suite, la double récurrence, je vais avoir une équation caractéristique et je peux avoir une expression explicite de la terme de la suite en fonction de n. Et là, évidemment, c'est phi qui va à nouveau intervenir, puisque c'est le nœud de l'affaire. Donc là, il n'y a rien de mystique, absolument rien de mystique. C'est un travail fin, aussi bien en algèbre, en arithmétique, et qu'en géométrie, les astronomes le savaient déjà, pour construire les rectangles d'or ou les triangles d'or avec des proportions... les proportions du nombre d'or. Un mot pour conclure dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être sur la postérité donc de Fibonacci. On a entendu l'importance de son apport, de sa position dans l'histoire des mathématiques, de ce transfert du savoir mathématique de l'Orient vers l'Occident. Comment se fait-il qu'aujourd'hui son nom ne soit finalement que lié à cette suite par rapport, encore une fois, à l'ampleur de son legs tel que vous l'avez décrit au cours de cette heure? Comment vous l'expliquez ? Alors, comment je l'expliquerais ? De manière peut-être un peu polémique, d'abord. Volontiers. À la Renaissance, on va avoir affaire à des mathématiciens, des philosophes, des lettrés, des hommes de science, qui vont refuser le legs arabe, le legs des barbares. Donc là, c'est pas polémique, hein, c'est pas idéologique. C'est, on a les textes. Par exemple, on va préférer toute une partie de la communauté scientifique va préférer une traduction des éléments d'Euclide du grec au latin plutôt que celle largement utilisée et excellente faite de l'arabe au latin, donc du grec en passant par l'arabe au latin, qui aujourd'hui, on le sait, serait plus proche de l'original grec d'Euclide que celle directement en grec qui arrive en fait de... Pardon. C'est un trou de mémoire et malheureusement Absolument. Là-dessus, je ne pourrais pas vous de aider. Byzance. De Byzance. Voilà, de Byzance. Donc, retravaillé. Donc, il y a un refus un peu de ce legs arabe. Et je pense qu'on en est là. Il est très proche du bassin méditerranéen. Hein. Il est proche de la cour de Frédéric II, de Stupor Mundi. Hein. Mm-hmm. Il va probablement même le rencontrer à Pise lors d'une mission de Frédéric II en 1226. Il reçoit des commandes de l'autre côté de la Méditerranée. C'est tout un bassin méditerranéen qui échange très bien jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Après, ça va être compliqué. Donc, il va revenir Fibonacci finalement par ses mathématiques et moins par l'histoire des mathématiques ou l'histoire de ce bassin méditerranéen fait de mélanges culturels et d'apports de différentes civilisations. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il est en tout cas dans la communauté des mathématiques et dans l'histoire des mathématiques qu'il a retrouvé une place, que ce travail de réhabilitation a été fait ou est-ce qu'il reste encore à faire ? Non, il est fait. Il est largement fait parce que les mathématiciens du 19e siècle ont largement œuvré pour cela. Et aujourd'hui, vous savez, il y a une grande revue américaine qui s'appelle Fibonacci Quarterly qui a 4 numéros par an, comme son nom l'indique, et qui publie donc 4 fois par an un gros numéro sur des travaux liés à Fibonacci, à sa suite et bien évidemment à ses généralités. Donc ça veut dire que encore aujourd'hui, la communauté mathématique reconnaît ce nom et les historiens des mathématiques ne peuvent plus évacuer aujourd'hui effectivement cette période médiévale importante. Merci beaucoup Marc Moyon d'être venu réhabiliter en dehors du cercle des historiens des mathématiques et au micro de la méthode scientifique Leonardo Fibonacci en dehors de sa suite à travers son Liber Abaci et l'importance de ses travaux dans la transition vers les mathématiques modernes. Vous pouvez évidemment réécouter l'ensemble de cette émission ainsi que toutes les émissions précédentes sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozède, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Hugo Bartholomei, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique, Elisabeth Gornès-Coteau au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, dans le grain à moudre, Hervé Gardette parlera avec ses invités des drones et des robots tueurs, la guerre sans la faire. Dans quelques minutes, tout de suite après les titres de l'actualité, bien ce sera l'heure de retrouver le dernier numéro de la série documentaire de la semaine, le Mont Saint-Michel, du sable au rocher par Nejma Bouakra et Laurent Polleret. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain c'est une émission spéciale consacrée à la sonde Cassini, puisque c'est demain que la sonde européenne va effectuer son grand plongeon kamikaze dans l'atmosphère de Saturne et va communiquer toutes ses dernières informations jusqu'à 14h02, très précisément, où on devrait perdre son signal. Ce sera demain à 16h, enfin jusqu'à preuve du contraire.